cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. ماذا أخذنا في درسنا الأخير؟ للسجد درس ما هو؟ صفة النزول. نعم، فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة النزول؟ C'est quoi la croyance des salaf à ce sujet, cette صفة؟ تفضل. نثبت الصفة بلا تكييف وبلا تفصيل وبلا تمثيل. أحسنت. أنهم رضي الله تعالى عنهم يثبتون هذه الصفة كما يليق بالله عز وجل. ما الدليل؟ سيكون الدليل على هذه الصفة عند من؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا حين يقتحم يقتحم. نعم، أحسن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا. دونك الله سبحانه وتعالى يدسن إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. أما أهل البدع من المحرفة، لغ منهج لغ مذهب في مثل هذه الصفات أنهم يحرفون. Ils vont déformer les textes. لماذا؟ لأن pour eux, si tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala y descend, c'est forcément une ressemblance aux créatures. Et ça c'est batil, comme on l'a cité plusieurs fois. Fahuna par exemple, ils vont expliquer un nuzul vi nuzul al-malaika ou al-rahma أو الأمر. المهم أنهم ils disent pas que Allah y descend. Ils disent que c'est un ange parmi les anges d'Allah. أو des anges. أو الرحمة. أو un ordre. الأمر. فكيف نرد على هؤلاء؟ Comment on répond à هؤلاء؟ نعم، تفضل. نعم، أن الملائكة تنزل في كل وقت. Et on a plusieurs أحاديث à ce sujet. أما هنا فالنزول il est مقيد بوقت معين. Le nuzul et la descente elle est spécifique dans un temps bien précis, le dernier tiers de la nuit. Expliquer ce nuzul par le nuzul des anges c'est batil. Les anges ils descendent pas qu'à ce moment. كذلك من autre réponse يقولون si on dit que c'est le malak ou le rahma ou l'amr il y aura un problème par rapport au hadith lui-même لان في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول اي celui qui descend Allah عز وجل يقول من يدعوني فاستجيب له. Et ce kalam, ça peut être que Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ce kalam. Man yad'ouni, qui c'est qui m'invoque, qui me demande, je lui réponds. Fal malak, il ne pourra pas dire hada. Ces deux rudud, ça montre que hada al-qawl, il est batil. Man yaqra al-manzouma, avant de lire le vers suivant sur al-mizan ou al-hawl. Tfaddal. اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدرونها وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو كريم منزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله وجميع آيات صفات أميرها حقا كما نقلت جهاز الأول وأغض أحدتها إلى مقال إلى مقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبها لمن نبذ قرآن وراءهم وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون وأقر بالميزان والحوض الذي أرد بأني منهم ضيا أنهن وكذا الصراط يمد فوق جهنم ومسلم النادي وآخر المؤمن. أحسن. قال الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. Dans ce bait, dans ce vers de poésie, il cite, rahmatullah alayh, deux points importants. Al-mizan, la balance, yawm al-qiyamah, et al-hawd, le bassin. Et inshallah, on va expliquer awwalan ma yata'allaq bil-mizan en lisant le sharh. Et le dars suivant, on expliquera ma yata'allaq bil-hawd, inshallah ta'ala. Qala Sheikh Mohammed hafidhahullah, وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه أعمال العباد والأدلة عليه كثيرة من الكتاب والسنة. Donc la croyance des salaf sur ce ميزان أنه ميزان حقيقي. C'est une vraie balance. Pas comme ils disent Ahlul Bida'i wa Dhalal. Annahu, c'est une expression pour dire la justice. Et qu'il n'y aura pas d'injustice. Chacun sera jugé équitablement. Amma indahum, il n'y a pas un mizan avec deux plateaux. Et les œuvres, elles seront pesées. Là. Amma nahnu, Ahlul Sunnah wa lillahi alhamd. فنعتقد أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان كذلك. Il y a plusieurs adillah qu'on va lire ensemble, inshallah, pour démontrer que هذا الميزان ميزان حقيقي et يوم القيامة les œuvres seront pesées. Et on verra كذلك une mas'ala par rapport à ce sujet, est-ce que c'est les œuvres qui sont pesées ou la personne elle-même ou le livre de cette personne ou que ses œuvres elles sont inscrites, on verra inshallah hada à la fin du dars. Awalan naqra al adilla qala hafidahu Allah qala Allah ta'ala wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin al shahid wa nad'u al mawazin. Et vous remarquerez que l'afdhul mizan huna, il est cité au pluriel. Wa nad'u al-mawazin. Et à partir de ce verset, les savants ils ont divergé. Est-ce qu'il y a un mizan, il y aura une balance faqat yawm al-qiyamah pour tout le monde, ou il y aura plusieurs balances, plusieurs mizan, mawazin. Et Allah a'lam, il a cité hadhihi al-mas'alah. Naam, ou on la citera quand on aura cité. Naam, il l'a cité. Ah, il l'a cité. On la lira. Inch'Allah. Qala, wa qala ta'ala, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Kadhalik huna, faman thaqulat mawazinuhu. Wa man khaffat mawazinuhu. Dalilun. أن les œuvres elles seront pesées. Enfin, celui dont les œuvres, la balance, elle penchera en sa faveur, et les bonnes œuvres, elles seront plus lourdes que les mauvaises œuvres, فهذا, il sera من المفلحين. ومن خفت موازينه, il n'a pas d'amal كالكفرة, ou il a beaucoup de سيئات, beaucoup de ذنوب, فهذا كما قال عز وجل فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وهذا لا شك أنه في الكفرة. أما عقيدة السلف في المؤمن même si il a fait des ذنوب et des معاصي أن son tawhid il le sauvera, لأنه c'est un mu'min et son iman il le sauvera. Ou alors aussi rentre vers le nar, ça sera pas al khulud, ça sera pas l'éternité. Et on verra, on lira al-an inshallah ensemble hadith d'Abdullah ibn Amr, hadith al-bitaqa. وجاء عند احمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه. Donc un homme il sera jugé et ses œuvres lui seront exposées يوم القيامه. فينشر عليه 99 registres les a'mal qu'il a fait. كل سجل مد البصر ثم يقول, chaque registre il a perte de vue. ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا. Cette question lui sera posée. Est-ce que tu es d'accord ou tu es pas d'accord avec tout ça? أَظَلَمَكَ كَتَبَتِ الْحَافِظُونَ. Est-ce que ces anges qu'ils ont inscrits, qu'ils ont écrit tous ces a'mal, est-ce qu'ils ont été injustes? Ça c'est une question. قَالَ لَا يَا رَبِّ. Ça montre qu'annahu il est صادق. Et يوم القيامة لا ينفع الكذب. لِأَنَّ حَتَّى les membres de la propre personne, elles témoignent contre lui. لا ينفع الكذب. Et هذا قال لا يا رب. Et il va admettre أنه سحق, أنه il a fait tel dunub, tel ma'asiyah, tel mukhalafa. فيقول ألك عذر أو حسنة. Est-ce que tu as une excuse أو حسنة أو une حسنة, une bonne action. لأن الآن 99 registres c'est que des ma'asiyah, des mukhalafat, des سيئات. Et ça montre la gravité des dhunoub. لأن يوم القيامة الإنسان يرندرا دي كونت. فيبهت الرجل ويقول لا يا رب. Cet homme il dira لا يا رب. Quand Allah il lui posera cette question, il répondra لا, j'ai pas de bonne action. فيقول بلى. أي الله عز وجل il lui dira بلى, tu as une bonne action. إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. Allah subhanahu wa ta'ala il lui dira tu as une hasana, une bonne action et tu ne subiras pas d'injustice. Et cette hasana elle te sera comptée et elle sera pesée sur cette balance par rapport à toutes ces mauvaises actions. Yawm al-qiyama c'est un jour de justice. La dhulm al-yawm. Il n'y a pas d'injustice. Celui qui a fait une hasana il trouvera cette hasana. Et min fadlillah wa rahmatihi ala al-ibad أن شك حسنة ألي ملتبليه بار ديس بل كما جاء في الحديث ألي ملتبليه بار ديس ألي بو أتر ملتبليه بار 700 وأكثر إلا الصوم صوف للصيام فإنه لي قال عز وجل صوف للصيام سي encore plus. الله سبحانه وتعالى il récompense le nombre de حسنات qu'il veut à ce عبد. على كل حال أن le minimum شك حسنة ألي ملتبليه بار ديس et ça peut aller jusqu'à 700. Ça, c'est min rahmatillahi azza wa jalla. Donc, c'est un jour de justice. Personne ne subira une injustice. Des sayyat qu'il n'a pas fait lui seront comptés. Ou une hasana qu'il a fait ne lui est pas comptée. Là. Mais avec cette justice, al-fadl wa rahma. Et quelque chose en plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il a multiplié par 10. Alors que ce abd, il a fait qu'une bonne action. Elle lui est multipliée par 10 et elle peut être multipliée par 700. فلهذا في الحقيقة من وفقه الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة il sera pas perdant. لأن الحسنات elles sont multipliées par 10 بل jusqu'à 700 بل أكثر. السيئات elles sont comptées que les péchés sont comptés que par 1, ils ne sont pas multipliés. كذلك أن celui qui fait tawbah avant de mourir Allah il lui pardonne tous ses ذنوب. ربما il a fait des années des dhunub et des mukhalafa fa in taba tawbatan sahiha khalisa lillah azza wa jal fa Allah lui efface ses péchés. Fa fil haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala il est karim, il est rahim. Allah il est pas injuste. Si quelqu'un rentre fi an-nar fa bi 'adlillah azza wa jal, Annahu, il a subi aucune injustice. Il n'a pas voulu faire tawbah. Il n'a pas voulu faire des bonnes actions. Il n'a pas voulu adorer Allah Azza wa Jal. هذا يستحق هذا العذاب الأليم. قال فيقول يرحمك الله ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Ce hadith, c'est un dalil على فضل التوحيد. أن celui qui meurt على التوحيد فإلى غنيا. لماذا؟ لأن هذا الرجل الآن c'était un موحد. Il est mort على التوحيد. Il n'a pas fait de shirk بالله عز وجل. Ça nous montre que كذلك أن الموحد il peut, بل il a des péchés. لكن il fait toujours des efforts pour s'en écarter. كذلك s'il se trompe, s'il glisse, s'il fait tawba. أما فالعقيدة فالتوحيد فإلى ضغ الله عز وجل وعز وجل السلام. المصيبة الآن أن بعض الناس تساهلوا في هذا الأمر فإذا ضغ أترك الله يسكرفي بور أترك الله يبلس لور كونفيانس أن أترك الله عز وجل يزنل هذه الشهادة. هذه الشهادة سي أعظم نعمة لا بلو غراند نعمة. ففي هذا اليوم الأولاد والأموال والقبيلة والبلد تصصت السغى دكن اتلتي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسجور لا ينفع العبد إلا من جاء بقلب سليم أي الإخلاص التوحيد. فهذا الإنسان الآن ستم avec les manques qu'il a eu, les مخالفات qu'il a faites, إلا ست شهادة عظيمة. Une بطاقة, une carte où il est inscrit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Il a dit cette kalima sincèrement, il l'a pas contredit, il était véridique, il aimait cette kalima. Enfin, cette kalima elle lui sera utile bi idnillahi azza wa jal à ce moment, à ce moment. Falihada al muwahhid da'iman il doit penser à l'akhirah, anna cette shahada, ces sacrifices que tu fais, ces efforts que tu veux faire, l'ibada, le mutaba'a, la tazun annaka t'es perdant abadan. Isbir faqat, cette dunya, ça passe très vite. Ta'ammalu hal hadha ar-rajul. Annahu il a vécu, il a fait des mukhalafat, lakin il a haqqaq cette shahada, elle lui sera utile. Elle lui sera utile en ce jour où rien n'est utile à part l'iman ou l'a'mal as-saliha. Fal'inaya bit-tawhid. On doit faire des efforts fit tawhid. Amma l'argent, amma ces choses. L'insan, bien sûr, il a le droit de faire des efforts dans ces choses, lakin, pas en faisant des concessions sur son dîn ou en délaissant son dîn. Il y en a l'argent, ça vient, ça part. L'argent, le jour où tu es enterré, ton argent, elle sera distribuée à d'autres. La première chose qu'ils feront en t'enterrant, c'est partager tes biens. Amma hada tawhid. فينفعك في الدنيا يتسرع أتيل في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى يحب الموحدين اللي جد كذلك يتسرع أتيل يوم القيامة. قال فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات. ستم يبوزغ على كستيوة الله عز وجل يا رب كيسك ست بطاقة ست كارت une bonne action sous forme de carte où c'est inscrit à shahada, qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport à tous ces registres? Rappelez-vous, anna kullu sijillin madd al-basar. Chaque registre, il a perte de vue. Et al-an une carte écrit dessus, la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Fayuqal innaka la tudlam. Ay, tu subiras pas d'injustice. Tes péchés, ils sont présentés en face de toi sur la balance. Kadhalik, tu as une bonne action, elle est présentée et elle sera mise kadhalik sur la balance, sur le côté des bonnes actions. Fayuqal innaka la tudlam. Qala fatudha' as-sijillat fi kiffah. Toutes les mauvaises actions sur un plateau de la balance. Wal bitaqa fi kiffah. La carte ou qui a ash-shahada sur l'autre plateau des bonnes actions. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. Quand les bonnes actions, ou cette carte ou qui est shahada, elle sera déposée sur le plateau, fait toutes les mauvaises actions, elles disparaîtront. لماذا؟ لأن cette bitaqa, elle est lourde. التوحيد, c'est quelque chose de عظيم عند الله عز وجل. فمن حقق التوحيد دخل الجنة كما بوب شيخ الإسلام في كتاب التوحيد. Bien sûr, en adorant Allah Azza wa Jal, bien sûr, en s'écartant du shirk, en s'écartant du nifaq, du kufr. هذا ينفع جدا صاحبه. Et on ne comprend pas de ce hadith. أن الإنسان يتساهل في المعاصي. Et il dit أن هذا الرجل, il avait beaucoup de معاصي. Et كذلك, c'était un mouahid. Et alhamdulillah, ces معاصي ne lui ont pas fait de mal. Là, لأنك أنت, tu ne sais pas, tu vas mourir sur quoi. أما هذا الرجل مات il a été véridique et il était sincère dans sa shahada أما نحن فما ندري on ne sait pas on va mourir sur quoi احذر من مكر الله عز وجل fais attention de ne pas jouer في دين الله comme ils font بعض الناس ومن الناس من يعبد الله على حرف certains ils adorent Allah على حرف et quand tout va bien ils adorent quand ils sont éprouvés par quelque chose rubbama idelas wa anta ma tadri tu vas mourir sur quoi falihada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul innama al-a'mal bil khawatim ay tes œuvres ça sera par rapport à sur quoi tu vas mourir hada ar-rajul an il est mort ala tawhid fa il est mort ala khair amma ba'd an-nas rubbama yaliz mithla hadhihi al-ahadith ay yatasahaluna fil ma'asi ربما تساهل في معصية ثم ينوط un péché la personne elle se laisse aller فربما il meurt على حال سيء جدا on ne sait pas نحن est-ce qu'on va mourir على التوحيد donc on doit faire des efforts لكن نستفيد من هذا الحديث أن on ne désespère pas même si on a fait des معاصي فنتوب on fait التوبة كذلك on donne de l'importance à ce التوحيد plus qu'aux autres choses Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala husnu al-khatima. Qal wa al-hadith sahahahu shaykhuna wa waliduna muqbil ibn hadi al-wadi'i rahimahullah fi sahih al-musnad wa sahahahu aydan al-allamatu al-albani rahimahullah. Na'am, al-hadith ila sahih. Akhrajahu al-imam Ahmad wa al-imam al-Tirmidhi an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Wa shahid minh ما يتعلق بالميزان. Et ce dalil كذلك nous montre أن هذا الميزان c'est un ميزان حقيقي. من أين نأخذ أنه ميزان حقيقي؟ لأن عقيدة أهل السنة ils disent que ce ميزان c'est une vraie balance. أهل الأهواء ils vont dire que ce ميزان في الحقيقة c'est pas une balance. أي c'est la justice. أي que personne ne subira d'injustice. فمثلا s'il a fait telles bonnes actions telle mauvaise action, fayyum qiyama, il le sera et il sera jugé par rapport à hada. Justement, c'est ça pour le mizan. Nahnu, on dit là, na'am, il n'y a aucun doute, en al-insan, il sera jugé équitablement, il n'y aura pas d'injustice, yawm al-qiyama. Limadha li'anna le juge, c'est Allah, azza wa jal. Lakin, dans ce hadith, on a des preuves, annahu c'est un mizan haqiqi, indaman. Dans ce hadith, l'an, vous pouvez trouver des choses qui montrent que c'est une vraie balance. C'est pas comme ils disent Ahl al-Ahwa, c'est la justice. Là, c'est une vraie balance. Min ayn akhadna hada? Na'am. Fatoud' fi kiffa. Ay, ces mauvaises actions, elles seront placées sur. Al-kiffa, c'est le plateau. Est-ce que la justice, tu peux dire que la justice, elle a un plateau? Ça montre que c'est un vrai mizan. Les annahu, il a été caractérisé avec des choses. Les deux plateaux, ça montre que c'est un vrai mizan. C'est une vraie balance. قال حفظه الله وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الشاهد الميزان Un point important, dans les versets du Coran, l'ovd al-mizan c'était bil-jam'a, mawazin, c'était au pluriel. Al-An, dans ce hadith, et كذلك dans le hadith qu'on va lire, Al-An, inshallah, Al-Mizan, c'est au singulier. Mizan, mawazin. Qala, wa fi sahihayn, an Abi Huraira, radiyallahu anhu, qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الشاهد ثقيلتان في الميزان ces deux paroles elles seront lourdes في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وثبت عند أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يجني سواكا من الآراك وكان دقيق الساقي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه il est monté à un arbre pour prendre oud min arak pour siwak et ce jour-là il y avait du vent et ibn mas'ud رضي الله تعالى عنه il avait les jambes fines très fines دقيق الساقي فجعلت الريح تكفئه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc quand le vent il a soulevé son thawb, son qamis et ils se sont aperçus qu'il avait des jambes fines, certains ils ont ri. فضحك القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون. Pourquoi vous riez? قال عليه الصلاة والسلام. قالوا من دقة ساقيه. Et ils ont répondu parce qu'il a les jambes fines. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد النبي صلى الله عليه وسلم il a juré أن ces deux jambes fines elles seront plus lourdes يوم القيامة في الميزان كأحد أحد c'est une montagne في المدينة وهذه الأحاديث المتقدمة كلها تدل على أنه ميزان واحد tous ces hadiths Le mizan, il est bi sighatil mufrad. Et c'est un mizan, une balance. Lakin, baqiya ma'ana, les versets, le mizan, il est sous forme de pluriel, mawazin. Donc on verra, est-ce que c'est plusieurs balances ou une balance. Qabla hada, nastavid min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et fil haqiqa, nahnu, c'est un point important. On doit avoir cette croyance que Yawm al-Qiyamah il y aura ce mizan. Pourquoi? Parce qu'il est cité dans les textes. Et ça fait partie de la croyance des salaf. Donc on doit avoir cette aqida. Et cette aqida, elle doit nous pousser à faire des efforts. C'est pas mujarrad aqida, avoir une simple croyance et ça doit rien changer dans notre vie. Comme on a expliqué fil asma wa sifat. Si on a la conviction que Allah y descend le dernier tiers de la nuit, on doit faire des efforts pour faire partie de ceux qui l'invoquent à ce moment. Si on se pose la question, pourquoi les deux jambes de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, elles seront plus lourdes que Uhud, ou comme Uhud yawm al-qiyam? Et le poids d'une montagne, Allahu a'lam bikam. Et les deux jambes de Abdullah ibn Mas'ud, elles seront mitla Uhud. بل أثقل قال أثقل في الميزان من أحد encore plus lourde que cette montagne لأن عبد الله بن مسعود il a fait des efforts في دين الله عز وجل في الجهاد il a fait الحج il a fait العمرة et il a accompagné le prophète صلى الله عليه وسلم il a étudié العلم il a appris le Coran il a combattu الشرك والكفرة tout ça c'est la cause de que ces deux jambes sont devenues aussi lourdes c'est pas une histoire de couleur أو de, d'origine أو de nationalité أو أبدا بل سيأتي معنا أن يوم القيامة يؤتى بالرجل يوم القيامة un homme il sera présenté semin ضخم il sera énorme لكن لا يوزن عند الله جناح بعوضة أي عند الله سبحانه وتعالى il sera plus léger que l'aile d'un moustique d'une mouche Pourtant, في الدنيا, il était énorme, il était... C'est pas ça le mizan. Abdullah ibn Mas'ud, il est très fin, et il est aussi lourd qu'une montagne. C'est les jambes, فقط. هذا الكافر il est énorme et عند الله il n'a pas le poids de l'aile d'un moustique. Donc ce qu'on doit faire, نحن des efforts, c'est في هذا. بعض الناس الآن, vous avez remarqué, أنهم ليل نهار, ils font des efforts par rapport à leur corps. Ils font du sport, ils font attention à ce qu'ils mangent. فالحقيقة هذا c'est طيب si on ne dépasse pas les limites. أما بعضهم, leur vie c'est هذا. ربما il ne fait pas ça là, il ne donne aucune importance à son dîn. دائما, il est en train de prendre soin de ce corps. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Adam wa Adam min tura. Vous êtes tous de Adam et Adam il est fait de terre. Et vous retournerez dans cette terre. Tout le monde sera enterré. Et Adoud ta'kul jasadah. Chacun, il se fera manger par des bêtes, fil ard. Donc, fil haqiqa, nous devons faire attention. Ne pas perdre du temps dans des choses futiles. Tayyib, prends soin de ton corps, ça c'est tayyib, fais attention à ce que tu manges, celui qui peut faire du sport, tayyib. Lakin fil haqiqa, ça c'est quelque chose de, en plus, faqat. Amma l'essentiel, prends soin de ce cœur. Amma, qu'est-ce que tu vas faire avec ce corps si le cœur, il est malade? Qu'est-ce que tu vas en tirer profit? Voilà, chéri. Qala, wa hadhihi al-ahadith al-mutaqaddima kulluha tadul ala annahu mizanun wahid. وأصرح من هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشفع لي. Et bien c'est الآن حديث أنس il est encore plus clair أن الميزان c'est une balance. Et اسمع هذا الحديث. قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي أنس رضي الله عنه اشفع لي. Il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم الشفاعة. Fais-moi intercession. فقال صلى الله عليه وسلم أنا فاعل. Et je la ferai. قال أين أطلبك يا رسول الله. تأملوا هم الصحابة. Anas ibn Malik رضي الله عنه. كما تعلمون أنه quand le prophète صلى الله عليه وسلم il était vivant il était encore petit. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم il est mort il était très jeune. مع هذا un de ses soucis c'est de demander الشفاعة. لأن Anas il a été éduqué أن cette dunya c'est pas grand chose. C'est pas son but. بل تأملوا la question. Il pense déjà à rejoindre Rasulallah alors qu'il est jeune. Il demande أين أطلبك يا رسول الله. Où est-ce que je peux te rencontrer يا رسول الله أيوم القيامة. لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم va faire شفاعة. فأنس veut le rencontrer, être avec lui. لأن Anas il a accompagné le prophète صلى الله عليه وسلم pendant des années. C'est lui qui s'occupait de lui et il voulait كذلك être avec lui يوم القيامة. أين أطلبك يا رسول الله. C'est ça le but. Notre but, c'est d'être avec le Rasoul, c'est de profiter de Shafa'a, c'est d'être fil Jannah, bel fil Firdaus, avec l'Anbiya, le Rasoul, et Ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qala sallallahu alayhi wa sallam, fatlubni awwal ma tatlubuni ala sirat. Aïe, recherche-moi vers le sirat. Qala fa in lam alqaka inda sirat. Si je ne te trouve pas inda sirat. Ça montre l'hirs. Anna Anas, il veut vraiment. Question après question. قال صلى الله عليه وسلم فاطلبني عند الحوض. Recherche-moi à côté du حوض. Et inshallah le prochain درس on détaillera ما يتعلق بالحوض. قال فإن لم ألقك عند الحوض. Si je ne te trouve pas عند الحوض. قال صلى الله عليه وسلم فاطلبني عند الميزان. Recherche-moi à côté du ميزان. Et ça montre qu'il y a un ميزان. Il y en aurait plusieurs موازين. Lequel? Maintenant, chaque personne, il aurait un mizan, enfin lequel? Là, ça montre qu'il y a un mizan. Fatlubni inda al-mizan. Recherche-moi à côté du mizan. Et ça, c'est min aqwal adilla, an al-mizan il est wahid. Lakin, il reste cette question, pourquoi, fil Qur'an al-Karim, al-mizan il est cité sous forme de pluriel, mawazin. Et inshallah, on va répondre. Fa inni la ukhti ahad hadhihi thalath al-mawadih. Aïe, une de ces trois, il a dit à Anas. إما الصراط إما الحوض إما الميزان. وقد صحح الحديث شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند. وأما قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة كذلك فمن ثقلت موازينه. الآن الشيخ محمد بن حزام حفظه الله va répondre à ce إشكال. Pourquoi في القرآن الكريم c'est sous forme de pluriel. فجمعها باعتبار الموزونات. كما قال تعالى فمن ثقلت موازينه. Le pluriel في القرآن ونضع الموازين وكذلك فمن ثقلت موازينه c'est باعتبار الموزونات. Et les choses qui seront pesées. Amma les choses qui seront pesées, fala chaque qu'il y a des choses. C'est énorme, c'est très nombreux. Mathalan, Hadith al-Bitaqa, il a 99 registres. Chaque registre a perte de vue. Plus il a 7 hasanah. Donc ce qui est pesé, il y a plusieurs choses. C'est pour ça qu'en langue arabe, ils disent mawazin, pour rapport à ce qui est pesé. Amma, l'instrument pour peser, le moyen pour peser, c'est une balance. Une. Kama ja'a fi sunnah. اطلبني فاطلبني عند الميزان قال عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى فمن ثقلت موازينه ومعلوم أن أعماله كلها توضع في ميزان واحد كما في حديث البطاقة صحيح من سكديز أنه يا بلوزيور ميزان في الحقيقة قول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فلا شك أن أعمالي سون بوزي دون اون بالانس كما في حديث البطاقة ستم Ces 99 registres, ils sont pesés dans une balance. Ma'ahada, Allah Azza wa Jalla yaqul faman thaqulat mawazinuh. Est-ce que dans le délil, dans le hadith, hadith Abdullah ibn Amr, on a une preuve qu'il y a plusieurs mizans? Ben là, un mizan, avec deux plateaux. Dans un côté, la carte avec le shahada, et de l'autre, les 99 registres. Ça nous montre que c'est un mizan, et ça nous montre que le pluriel, c'est bi'atibar al-mawzunat. Et les choses qui seront pesées. C'est ça, al-qawl al-sahih. أنه سأميزان ومعلوم أن أعماله كلها توضع في ميزان واحد كما في حديث البطاقة المتقدم وغيره وقد يكون الجمع للتفخيم والتعظيم كما قد قيل ذلك في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين نعم كذلك للتفخيم الحقيقة قوم نوح ils n'ont eu qu'un رسول Et ils n'ont pas accepté le message de Nuh. Léana Nuh, c'est le premier messager. Ils n'ont pas connu les autres messagers. Ma'a hadha, Allah Azza wa Jal yaqul, kadhabat qawm Nuh al-mursalin. Est-ce qu'ils n'ont pas accepté le message des autres? Ils ne les ont pas rencontrés. Lakin, ça montre la gravité. Celui qui rejette le message, la vérité d'un prophète, d'un messager, fait le haqiqa, il a rejeté tous les messages, tous les prophètes. C'est pour ça que celui qui ne croit pas en un rasoul, c'est un kafir. C'est comme s'il avait mécru en tous les prophètes et les messagers. Non. Hada, c'est le tafkhim, la gravité. Ils ont rejeté le message d'un rasoul, c'est comme s'ils avaient rejeté tous. Fahakada al-mawazin, c'est le tafkhim. Qala, undur tafsir ibn Kathir, surat al-anbiya wal-fath. Et inshallah, dans d'autres livres, vous détaillerez akthar. Une autre mas'ala, et on conclut bihada. قال مسألة ما الذي يوزن في الميزان؟ Une autre question. Est-ce que la chose qui va être pesée c'est la personne elle-même, ou ses œuvres, ou les livres؟ في الحقيقة on a une réponse نحن par rapport aux hadith. Les hadith qu'on a lu, il y a une réponse à هذا. تفضلوا. Qui c'est qui a une réponse par rapport à ce qu'on a vu؟ تفضل. البطاقة. C'est quoi le dalil؟ حديث عبد الله بن عمرو وما هذه البطاقة مع هذه السجلات نعم وما هذه البطاقة مع هذه السجلات أي qu'est-ce que cette carte elle peut faire par rapport à tous ces registres من une autre réponse la personne ما الدليل أحسنت حديث ابن مسعود la personne لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان أي ces deux jambes elles seront plus lourdes في الميزان ça montre que Ibn Mas'ud lui-même il sera pesé la personne elle-même et كذلك le hadith qu'on a cité du kafir أنه il sera énorme يوم القيامة il sera pas équivalent au poids de l'aile d'une moustique ou d'un moustique ou d'une mouche نقرأ الجواب donc par rapport à tous ces hadiths il y aura un khilaf بعضهم يبون dire c'est telle chose بعضهم telle chose on verra القول الصحيح قال فيه ثلاثة أقوال il y a trois avis الأول أي القول الأول الذي يوزن الأعمال لحديث أبي مالك الأشعري وحديث أبي هريرة المتقدم آنفا donc premier avis أن ce qui sera pesé c'est l'أعمال les œuvres de la personne والأعمال وإن كانت أعراضا والأعراض لا تقبل الوزن إلا أن الله يقلب الأعراض أجساما يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يدون غا cette œuvre une forme لأن مثلا une parole elle peut pas être pesée لكن يوم القيامة cette œuvre elle aura une forme et elle aura un poids. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فسمونك سعمل سعمل يوم القيامة يسغلا il aura une forme, il aura un poids. قراءة القرآن قراءة سورة البقرة وآل عمران. Donc ça c'est le premier قول. الثاني الذي يوزن كتاب الأعمال. Deuxième قول, أن ce qui sera pesé c'est les registres. Les registres dans lesquels أعمال العباد ils sont inscrits par الملائكة. قال واستدلوا بحديث البطاقة المتقدم. نعم. Toutes ces œuvres elles ont été écrites dans ces registres et elles ont été pesées. Et Shahada, elle a été écrite sur une carte et elle a été pesée. Donc ça, c'est le qawl al-thani. On a un hadith al-bitaqa, hadith Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma. Al-thalith al-ladhi yuzan sahibu al-amal, kama fi sahihayn, an Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, an il Nabi sallallahu alayhi wa sallam, troisième qawl, anna ce qui sera pesé, c'est la personne elle-même. Et ils se sont appuyés sur hadith Abi Huraira, radiyallahu anhu, an il Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Donc cet homme il sera pesé. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أي الكفار يوم القيامة كما حال هذا الكافر. Aucun poids, aucune valeur. عياذا بالله. Donc on a ces trois avis. الأعمال ou les registres, ou le troisième qawl, la personne elle-même. كذلك, hadith ibn Mas'ud, c'est une preuve pour le troisième qawl. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا فطارة توزن الأعمال وطارة توزن محلها وطارة يوزن فاعلها والله أعلم. C'est ça le قول الصحيح, قول ابن كثير رحمه الله. Et ça c'est une règle importante que vous devez maîtriser. On a quand pas des preuves sahihas, des arguments authentiques, que ce soit minal Qur'an ou minal Sunna, et ils se contredisent pas, enfin tu dois tout prendre. Enfin نحن الآن, est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. De temps en temps c'est l'amal, des fois c'est la personne elle-même, des fois c'est les registres. لماذا لأن on a des preuves authentiques. النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé عن هذا وعن هذا, فأن croit à tout. أحيانا il y a des preuves en apparence elles se contredisent, tu ne peux pas faire le jam'. Là dans ce cas tu dois regarder. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم il a autorisé une chose et dans un autre hadith il a interdit cette chose. Enfin, tu verras en général qu'un des deux hadiths il est ضعيف, donc tu rejettes le ضعيف et tu prends صحيح, ou tu verras que un des deux hadiths il abroge l'autre, an-nasikh wal mansukh. Ou tu verras que ahyanan t'as mal compris, ou tu verras ahyanan que an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a autorisé, il l'a interdit, c'est pas min bab al haram, ay c'est makruh, vaut mieux le délaisser, ma'a annahu c'est mubah, c'est autorisé. Fa hada al jam' bayna al adilla, c'est muhim. Fa huna on rassemble tous ces aqwal et on dit na'am. Un hadith il montre que c'est l'amal, un autre il montre que c'est la personne, un autre il montre que c'est les registres. Enfin, on dit qu'il n'y a pas de contradiction. Ça peut être imma le premier qawl, imma le deuxième, imma le troisième. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح الواسطية عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل. Et ça c'est un تنبيه طيب, c'est une remarque طيبة de Cheikh al-Uthaymin. أن la plupart des adilla ils montrent que ce qui sera pesé c'est les œuvres. لكن قال ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعمال. لكن certaines personnes ça sera les registres, كما في حديث البطاقة, حديث عبد الله بن عمر, cette personne avec les 99 registres et الشهاد. قال أو يوزن هو نفسه, كما في حديث عبد الله بن مسعود أو حديث دسكافر. فقد يكون هذا أمرا يخص الله به من شاء من عباده. نعم. Donc la base c'est que ce qui est pesé c'est les œuvres. Et il n'y a pas de mani' qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordonne que ce soit la personne elle-même ou les registres. Wallahu a'lam, comme on a dans les deux hadiths. Faqawl ibn Kathir, avec la précision de Cheikh al-Uthaymin, ça nous donne l'avis le plus correct. Wallillahi alhamd. فهذا ما يتعلق بهذا الدرس. دونك اون ريزوم ان قول شيخ الاسلام واقر بالميزان اي سان ميزان حقيقي اي لا بروف كو سان اون فري بالانس. ان في حديث البطاقه النبي صلى الله عليه وسلم ديمونتري ان سيت بالانس على دو بلاطو سا مونتر كو سان فري بالانس. كذلك استفدنا انه سي ان ميزان يا كون بالانس. اما لو بلوريال كوم سي سيتي دون لي فيرسي فمن ثقلت موازينه سي باعتبار الموزونات اي لي شوز كي سيرون بيزي يا بوكو دو شوز. اما لا بالانس بور بيزي يونا كون كما في حديث انس بن مالك فاطلبني عند الميزان اي ان ميزان. نعم كذلك استفدنا ان لي شوز كي سيرون بيزي لا باز سي كو سي لي زوفر. لكن يا با دو مانع كذلك لا بيرسونيل سوا بيزي او لي ريجستر comme dans les preuves qu'on a étudiées ensemble. Walillahil hamd. Naktafi bihadha al-qadr. Subhanak lahum hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.